Émission numéro 23 du 30 avril 2010. Bonjour et bienvenue à cette émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Je vous rappelle une fois de plus que les premières émissions de notre podcast ne sont plus disponibles via le site du podcast sur Podomatic. Toutefois, vous pouvez les télécharger directement sur l'avenirpodcast.canalblog.com. Le lien est disponible sur notre blog et sur le site du podcast. Du côté du blog, justement, nous avons entrepris la mise en ligne de la mini-série de SF en 7 épisodes de L'Estrade, agent très spécial. Ne manquez pas d'aller y jeter un coup d'oreille. Aujourd'hui, je vous présente un petit audio-drama que j'ai écrit et réalisé avec une poignée d'interprètes super doués qui se sont prêtés au jeu. Grand-père. Les éditions de l'avenir présentent Grand-père. Adapté d'une nouvelle inédite de Christian Martin, mettant en vedette Stanley dans le rôle de grand-père et Ezwa dans le rôle de Guillaume. Ah, zut, je suis en retard. En retard pour la première journée des vacances. Il faut quand même le faire. Être en retard la journée même où grand-père m'a promis de m'apprendre à traire les vaches, c'est trop débile. Ça sent bon. Bonjour Guillaume. Bonjour grand-mère. As-tu bien dormi? Beaucoup trop bien. Je suis en retard. Je voulais aller faire le train avec grand-père ce matin. Ce n'est pas bien grave, Guillaume. Il y a encore le train du soir. Que veux-tu pour déjeuner? La même chose que grand-père. Grand-père! Bonjour, mon petit bout. Tu es enfin réveillé, à ce que je vois. Je voulais aller faire le train avec toi. Je me doutais que ce serait difficile. À l'heure où tu t'es couché... Mais ce n'est pas ce qui va gâcher notre journée, n'est-ce pas? Non, grand-père. Bravo! Tu viens? Grand-père, tu m'attends un instant? Bien sûr, mais pourquoi? Il t'imite, papa, tu ne vois pas? Tu retires toujours tes bottes sur la galerie quand tu rentres de l'étable et tu te promènes en chaussettes dans la maison. Le petit fait comme toi. Tu vois, il s'est déchaussé. Mais c'est que tu as raison, maman. Allez! Venez déjeuner tous les deux. Ça va refroidir. À tantôt, maman. Bon après-midi, les hommes. Bonjour, Rex. Bonjour, mon gros toutou. Bon chien, Rex. Viens, mon petit bout. N'oublie pas la collation que ta grand-mère a préparée. Pas de danger. Dis, grand-père, que fait-on ce matin? Pas un seul nuage dans le ciel. Il va faire très chaud aujourd'hui. On va faucher tout de suite le champ près de la ligne. La ligne? Près de la clôture barbelée qui sépare ma terre de celle du voisin. Si on attend plus tard, on va cuire comme du bacon sur le tracteur. Attends-moi là, mon petit bout. hors du chemin du tracteur. Bien, grand-père. Elle monte. Tu te tiens solidement? Oui. La pause. Ouf, je peux te dire que mes fesses sont très contentes. Tes fesses? Oui. Pourquoi n'a-t-il pas d'amortisseur, ton tracteur? C'est un très vieux tracteur. Les amortisseurs n'existaient pas quand ils l'ont construit. Waouh, ça c'est vieux. Tu peux le dire, mon petit bout. Tu me passes la cruche d'eau? Il fait une de ses soifs sur ce tracteur. Tout de suite, grand-père. Ah, oh, ça fait du bien. T'en veux une goulée? Sûr. Quelle tartine veux-tu? C'est là la confiture. Évidemment. Ce sont mes préférés. Je ne l'aurais jamais deviné. Tiens. Merci. C'est bon. Tu t'en es mis tout partout. Tiens, débarbouille-toi un peu, ou tu attireras toutes les mouches du pays. C'est mieux. Dis, tu vois le tas de roches là-bas, de l'autre côté de la clôture? Bien sûr. Tu sais que des lutins vivent dessous? Des lutins? Puisque je te le dis. Tiens, prends un coup d'eau. Drôle d'idée de s'étouffer avec des tartines. Tu es certain, grand-père, que ce sont bien des lutins? Je les ai vus comme je te vois, mon petit bout. Des lutins? Des lutins. Étais-tu loin d'eux quand tu les as vus? Parce que si tu en étais loin, tu auras peut-être mal vu. Il s'agissait peut-être de grosses marmottes. C'était des lutins. D'ailleurs, je n'étais pas seul ce jour-là. Rex les a vus aussi, n'est-ce pas, Rex? Alors là, si Rex les a vus... Tu me racontes, grand-père? Tu les as vus quand, les lutins? Ils étaient comment? Viens là, mon petit bout. Installe-toi confortablement. Tu es bien installé? Oui, oui. Allez, raconte. Alors voilà. Cela s'était passé 2 ou 3 ans avant ta naissance. Rex devait avoir 6 mois, si je me rappelle bien. Il était déjà gros pour son âge. Mais il était foufou. N'est-ce pas, mon Rex, que t'étais foufou? Et les lutins? Ah oui, les lutins. Hein? C'était par une belle fin d'après-midi d'automne. Les feuilles rougissaient dans les arbres. Les foins étaient finis, l'épandage du fumier aussi. Depuis quelque temps, j'avais remarqué que les vaches étaient nerveuses. Et je me demandais bien pourquoi. Je me disais que c'était peut-être dû à la présence de Rex, que j'emmenais avec moi quand j'allais les chercher pour les ramener à l'étable. Je me trompais. Te tromper, toi? C'est dur à croire. Hé, Tout le monde peut se tromper, mon petit bout. Ouais. Ce jour-là, j'ai compris ce qui effrayait les vaches. Les lutins ? Oui, mon petit bout. Les lutins. Rex et moi les avons aperçus la première fois en arrivant là où les vaches paissaient, dans le boisé près du petit ruisseau. Ils étaient une douzaine, pas plus haut que trois pommes, habillés de vêtements aux couleurs aussi vives que celles des feuilles des arbres. Ils avaient encerclé une vache et tenté de s'en approcher. Pourquoi ? Pour la traire, j'imagine. Il ne doit pas être facile de traire une vache quand on ne mesure qu'une vingtaine de centimètres. Ils ont réussi ? Pas cette fois-là, en tout cas. J'étais tellement surpris de les voir que je n'ai pas songé à retenir Rex. Les lutins se sont éparpillés de tous les côtés en le voyant foncer sur eux en jappant de toutes ses forces. Je n'aurais jamais cru que d'aussi petits êtres puissent se déplacer aussi rapidement. J'ai tout juste eu le temps d'en voir deux disparaître sous une grosse racine du saule pleureur, sans plus. Quand j'ai regardé à nouveau près de la vache, il n'y avait plus un seul lutin en vue. Et ne me demande pas où ils étaient passés. Mais, grand-père, si les lutins ont tous disparu près du ruisseau, comment sais-tu qu'ils vivent sous le tas de roches ? Ah ça, mon petit bout, je te raconterai plus tard. Pour l'instant, il est temps de se remettre au travail. Sinon, ta grand-mère va encore dire que je ne fais rien de mes journées. Grand-mère ne dit jamais cela. Pas trop fatigué de ta journée pour apprendre à traire les vaches, mon petit bout ? Pas du tout. Alors je te présente la grise. C'est elle qui te donnera du lait. Allez, la grise, pousse-toi un peu, fais-nous de la place. Regarde, tu prends les traillons comme ceci. Comment ? Comme ceci, tu vois ? Oui, je crois. Et tu tires tout en pressant. Comme ça. Tu vois ? Oui. À toi maintenant. Oh, ça fait tout drôle de prendre les traillons. On s'habitue vite. Et tu as réussi ? J'ai raté le saut. C'est un détail. Le plus difficile est encore de faire sortir le lait. Et tu y es parvenu du premier coup. Tu es doué. Ne te reste plus qu'à viser le seau. Grand-père, j'ai réussi. Droit dans le seau. Bravo, mon petit bout. Grand-père ? Comment sais-tu que les lutins vivent sous le tas de roches ? Papa, qu'est-ce que tu lui as encore raconté à ce petit ? Je croyais que tu avais oublié toute cette histoire, mon petit bout. Je n'oublie jamais une histoire. Tu retiens tout ce que je te raconte ? Oui. Peut-être les raconteras-tu à tes enfants plus tard. Non, je les mettrai dans un livre. En voilà une drôle d'idée. Papa. Mais... c'est aussi une excellente idée, mon petit bout. Une excellente idée. Ah, Seigneur. Et mon histoire de lutin, tu la mettras aussi dans ton livre ? Seulement si tu la termines. Alors, il vaut mieux que je te raconte tout de suite la fin, n'est-ce pas ? C'est aussi mon avis. Oh là là, il te fait languir ton grand-père. Hein, mon petit Guillaume ? Une pipe doit être nettoyée après chaque usage, si l'on veut qu'elle dure.